le vieux Billy. Ceux qui savaient penser aujourd'hui quand il se réveille, il attend l'heure de son sommeil. Pourtant il était bienveillant, souriant en nous voyant, tous pédaler pour pas tomber, s'amuser sans se soucier de Firewell. Quand on a vu sur les réseaux nos prisons sous le parvis, qu'il avait dit un mot de trop, la souris a cliqué sur lui, elle n'a pas pu fuir, on lui a repris tous ses crédits. Ses logins, son fort esprit, on a démantelé ses membres, qui se souviennent qu'il est un membre de Firewell. Fermé dans un casque, reformaté son masque et programmé pour une action. Au cœur du système, une vraie sanction, paramétrée pour une routine. Décérébré pour que l'usine puisse continuer à enrôler les échappés du secteur D de Firewell. Il est vu derrière le miroir, avant sa une du soir, j'ai vu une larme dans son regard, comme s'il savait plus croire que toute sa vie et tout son prix, c'était surtout le plein d'amis, et que nous autres pauvres fourmis, on pouvait tous en faire partie, mais sans Firewell. On avait cru qu'il était là pour pas qu'on baisse les bras, mais le vide qu'a fait son absence s'est remplacé par de la souffrance. Il est parti, le vieux Billy, et sa philosophie. Mais quand je quitte l'œil de mon écran et que je vois que tout a foutu le camp, j'ai Firewell.